bien américaine ou latina, selon la prod qui remplit ses poches et un peu les tiennes, contre quelques poses de chienne à la mode. Faudra se mettre à quatre pattes, simuler pour le clip et la com, faire la pute comme disent les jaloux qui matent, pour faire tomber les thunes et les hommes. Ton cul, c'est ton plan de carrière. T'aurais pu faire rabatteuse, mais c'est plus classe pour ta mère de dire que t'es devenue chanteuse. Que les gamines rêvent d'être toi, qu'elles apprennent tes chorégraphies, le string apparent sous les toits, c'est leur exemple, ma jolie. T'es la reine de cette chaîne de musique, se nourrit de mes hormones, du nichon pour vendre les disques et les sonneries de téléphone. Sa bouche y a de la couleur de la chair, bien sûr sa mort, mon cerveau crame et le fut ouvert. Bravo ma fille, tes disques d'or, tes disques d'or. Original certes, on dira que j'enfonce des portes ouvertes quand d'autres usent du poignet pour ouvrir celle du métier. Et on a ceci en commun, on nous range dans la même catégorie, où tu as réussi et je fais le malin, où tu joues la sirène et moi j'écris. La pop aux Amériques, où tu peux simuler une pipe, les cuisses ouvertes et tout public. Si tu dis fuck, on met un. Les décolletés, les écolières, l'image des filles qu'on écorne. C'est pas que c'est pour me déplaire, mais je préfère ça sur YouPorn. T'es la reine de cette chaîne de musique qui se nourrit de mes hormones, du nichon pour vendre les disques et les sonneries de téléphone. Ça bouge, y'a de la couleur, de la chair, bien sûr sa mort, mon cerveau crame et le fut ouvert. Bravo ma fille, tes disques d'or, tes disques. Remercier ta mère et ton tourneur, ton distributeur et ton producteur, celui qui écrit les textes, ton éditeur, ton attaché de presse et ton arrangeur. Je voudrais aussi remercier ton manager, ta chorégraphe, ton compositeur ainsi que l'inventeur du vocodeur. Je voudrais bien sûr remercier Jésus, sans qui tu ne serais rien, ton public que tu aimes et qui te le rend si bien. Je voudrais remercier tous ces gens, tu voudrais remercier tous ces gens, mais tu peux pas. T'as la bouche pleine.